Продолжение следует. Moi je viens pas du 9-3, encore moins du 7-8, et pas plus du 9-2, encore moins du 8-3. Si je viens du 3-7 et habite en 7-5, c'est pour la paix qu'il irait, et la paix qu'on me fout. Mais s'il faut en 3-7, je me fais la paire, en 2-3 mouvements, j'ai la tête à l'envers. Non, moi je suis pas du 9-3, encore moins du 7-6, encore moins du 8-3 ou du 0-6. Moi. Les keufs aussi secs, je file à 3 pour finir seul à 7 ou dans la mais en coupe. Si je viens du 3-7 et habite dans 7-5, c'est pour le calme qu'il y règne et la paix qu'on me fout. Et s'il faut en 3-7, je me fais la paire. En 2-3 mouvements, j'ai la tête à l'envers. Non, moi je suis pas du 9-3, encore moins du 7-6, encore moins du 8-3 ou du 0-6. Pas besoin de preuve par meuf pour savoir que je suis nul avec les meufs. Pas de ma faute à moi si à deux je me sens à l'étroit. Car je doute de l'autre comme je doute de moi. Mais s'il faut en 3-7, je me fais la paire. En 2-3 mouvements, j'ai la tête à l'envers. Продолжение следует. Juge à cassis, innocent à 100 lits. On m'accuse de vol d'huîtres, de citron, de radis. Si je viens du 3-7 et habite dans le 7-5, c'est pour le calme qui règne et la paix qu'on me fout. Mais s'il faut en 3-7, je me fais la paire. En 2-3 mouvements, j'ai la tête à l'envers. À l'envers. Envers l'an. Nouvel an. Bonne année. Entendant sans arrêt susurrer dans ma tête une voix qui articule une sentence bien nette. Arrête dysenterie et ne garde que le bon. Arrête dysenterie et ne garde que le bon. Arrête dysenterie et ne garde que le bon. Pas du 9-3, encore moins du 7-8, encore moins du 9-2 et pas plus du 8-3. Si je viens du 3-7 et habite dans 7-5, c'est pour le calme qu'il y règne et la paix qu'on me fout. Mais s'il faut en 3-7, je me fais la paire. En 2-3 mouvements, j'ai la tête à l'envers. À l'envers.